En Russie, la maison d'édition Format de Nakhotkin a fait paraître le 4 juillet en brochure l'œuvre classique du président Kim Il-sung, Notre socialisme est un socialisme basé sur le concept du Tchouché, à l'occasion du 22e anniversaire de son décès.